Ho, ho, ho! Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des Nous. Spécial Noël, où on va parler de l'héritage des contes pour tous. Ho, ho, ho! Ceux qui auront vu les trois derniers épisodes du podcast des Nous ont remarqué des problèmes techniques à la vidéo. Je crois que mon vieux caméscope est en train de me lâcher. Je vais donc sans doute essayer de magasiner bientôt une nouvelle caméra. Les problèmes de son n'ont rien à voir, c'était dû à une erreur d'inattention stupide de ma part. Donc, les problèmes vidéo vont se continuer au prochain épisode que j'ai filmé en même temps que les trois derniers. Par contre, pour cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller à l'ancienne, purement audio. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la continuation des Contes pour tous. Rock Demers, qui les produit à travers ses productions La Fête depuis les débuts des Contes pour tous, a comme pris sa retraite, en quelque sorte, après la gagne des Hors-la-Loi. Nous avons eu droit ensuite à un remake en animation 3D de la Garde des Tucs, puis une suite à ce remake. Puis, les productions La Fête ont été rachetées par Dominic James, qui a repris la production, avec déjà deux films, et un troisième qui s'en vient en 2025 au moment où j'enregistre cet épisode du podcast. Je vais donc parler aujourd'hui de ces quatre films. Commençons donc avec La guerre des Tucs 3D, un film réalisé par Jean-François Pouliot et François Brisson sur un scénario de Normand Carnac-Marquis, Paul Rizacher, Daniel Patenaude, Roger Quentin et André Melançon par la société de production Carpe Diem Film et End TV, avec comme productrice exécutive Marie-Claude Beauchamp, avec Hugo Bossaert comme assistant producteur, Marc Lebel comme producteur associé, Paul Rizacher, producteur exécutif, Sophie Roy, productrice exécutive, et Normand Tauvette, producteur exécutif. Le film est sorti en 2015. La grande question serait, pourquoi faire un remake en animation 3D de La guerre des Tucs? La réponse courte est bien sûr, for the money, pour le cash. L'original est un classique pour laquelle les jeunes de l'époque ont de la nostalgie qu'ils risquent de vouloir transmettre à une nouvelle génération. C'est pas mal la même chose qu'avec tous les remakes Disney et les legacy sequels d'une tonne de vieilles franchises qu'on a actuellement. L'original a peut-être sans doute un peu vieilli pour une nouvelle génération. Il me semble que pas tant que ça, mais je suis de l'époque, donc mon avis risque d'être influencé. L'animation 3D est à la mode, même si personnellement je préfère clairement les autres méthodes d'animation, dont le dessin animé traditionnel. Surtout, pour un studio d'animation sans doute assez récent au moment de la production du film, c'est sans doute une bonne initiative commerciale de se baser sur quelque chose que le public connaît et apprécie. C'est plus facile que d'essayer de se lancer avec quelque chose d'original comme Toy Story pour Pixar. À mon avis, par contre, l'animation n'ajoute pas grand-chose. Si le fort dans le film est réussi visuellement, il y a quelques rares scènes ou détails qui font un peu cartoon, le style du film reste relativement réaliste et assez peu créatif. Les designs des personnages ne se démarquent généralement pas, les décors sont assez quelconques et la cinématographie est plutôt moyenne. Bon, le film d'origine n'a peut-être pas la cinématographie la plus recherchée, mais ça me semble tout de même en général bien plus réussi, alors que c'est en prise de vue réelle, avec sans doute un budget assez restreint, alors que l'animation permet de littéralement tout faire. Pour parler de l'animation, justement, les personnages me semblent assez rigides. J'avais presque plus l'impression de voir se déplacer des figurines avec un squelette en fil de fer que de voir des personnages humains. Pour parler des personnages, il me semble qu'ils sont en général encore plus simplifiés que dans le film d'origine. Il y a tout de même quelques exceptions. Le chien a une personnalité un peu cartoonesque et un design assez réussi. La petite sœur est très expressive et amusante, et surtout Luc me semble avoir une personnalité plus approfondie aux facettes mieux travaillées. Bon, il ne faut pas trop demander à un enfant. Si le personnage est un peu monolithique et moyennement expressif dans le film d'origine, c'est dû à la jeunesse de l'acteur. L'animation, le scénario et bien sûr la performance vocale d'un acteur certainement plus âgé a permis de mieux le définir, de le rendre plus intéressant, mais l'ensemble me semble assez vain. Si le film reste assez sympathique et se laisse regarder, il est bien moins percutant que l'original et donc assez redondant. Un autre détail que je n'ai pas aimé est l'ajout de chansons franchement inutiles et assez moyennes. Il y avait bien une chanson dans le film original, mais voilà, il n'y en avait qu'une et c'était à un moment approprié, le générique de fin. D'ailleurs, le générique de fin de ce film nous présente une réinterprétation de la même musique par un ensemble de plusieurs chanteurs, qui me semble avoir beaucoup moins d'impact que l'interprétation originale avec Nathalie Simard et du synthé des années 80. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, je donne une note sur 5, un 5 étant un chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise, et un 0 étant une nullité absolue, tel qu'un hiver où il n'y a pas de neige. Donc, je donnerai à la guerre des trucs 3D une note de 2 sur 5, c'est franchement moyen. Ce qui m'amène à La course des tucs, un film réalisé par Benoît Godbout sur un scénario de Paul Rizaché, Claude Landry et Maxime Landry avec la société de production Carpe Diem Film and TV, avec la productrice Marie-Claude Beauchamp et la productrice exécutive Sophie Roy. Le film est sorti en 2018. Donc, le remake en animation CGI 3D de La Guerre des Tucs a eu droit à une suite. Je me demande si la suite ne s'en sortirait pas un peu mieux que l'original. Quand je dis l'original, je parle du remake, pas le vrai original. L'histoire est simplissime et les personnages ne sont pas très recherchés, mais ça semble marcher pas trop mal. Les personnages du film précédent reviennent pour un événement différent, une course de luge. Un jeune nouveau semble avoir défié l'inventeur de la gang et va gagner en trichant. S'en suivra l'organisation d'une autre course avec création d'une super piste. C'est banal, mais ça marche correctement. Je me demande même si l'animation ne serait pas un peu moins mauvaise que dans le précédent film. Puis bon, même si le film abuse encore une fois de chansons, ça ne vient pas de nulle part, puisqu'il y a la cousine du nouveau tricheur qui veut devenir chanteuse. Donc, La course des tucs se mériterait pour moi aussi une note de 2 sur 5. C'est moyen. Mais maintenant, il y a une véritable relance des contes pour tous, qui commence avec le film Coco Ferme, sorti en 2023, réalisé par Sébastien Gagné sur un scénario de Dominique James avec la musique de Philippe Brault, avec comme acteurs principaux Oscar Desgagné, Joey Bélanger, Emma Bao-Lynne Tourné et Benoît Brière, produit par les productions La Fête et Attraction, avec le producteur exécutif Pascal Bascaron, le producteur Antonello Cozzolino, le producteur Dominique James et la productrice Brigitte Léveillé. Après le passage de main de la production, le nouveau producteur des Contes pour tous nous propose un premier film original. Original peut-être pas tant que ça puisque c'est un peu une suite spirituelle de Tirelire, Combine et compagnie. Son prédécesseur est à propos d'un groupe de jeunes qui se partent une entreprise de services divers comme l'entretien ménager, avec à leur tête un jeune qui pense aux affaires. Coco Ferme commence avec un groupe de jeunes qui ferme une entreprise de ce genre quand celui à la tête part avec son père à la campagne. Mais là-bas, le jeune va partir avec son cousin une entreprise de production d'œufs. Mais systématiquement, les films ont des liens, ce sont deux films très différents. Tirelire, Combine et compagnie est avant tout une comédie et disons qu'il y aura des différends entre les personnages. Bien qu'il peut y avoir un peu d'humour par moment, Coco Ferme est un film sérieux autour de l'industrie agricole, un sujet sérieux traité assez sérieusement. Le film est tout à fait charmant, avec des personnages bien construits, auxquels on s'attache avec une réalisation tout à fait soignée. Je ne m'attendais pas à ce que ce film ait un ratio d'image cinémascope, mais malgré un budget sans doute limité de par sa nature de film jeunesse et son propos agricole, cela ne se ressent pas du tout dans un film très bien filmé, très bien présenté, avec des acteurs étonnamment bons pour un film qui met après tout en scène en bonne partie des enfants. Les adultes ne sont bien sûr pas en reste, dont notamment Benoît Brière, très bien dans son rôle, mais ce sont les enfants qui sont surtout mis de l'avant. Le final est sans doute un brin trop utopique, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose dans un film pour enfants, et c'est un excellent divertissement qui se mérite pour moi une note de 3 sur 5. Et puis en 2024, il y a eu Mademoiselle Bottine, réalisé par Yann Lanouette-Turgeon sur un scénario de Dominique James avec Ramachandra Borkar à la musique, avec comme acteurs principaux Antoine Bertrand, Marguerite Laurence, Mathéo Laurent Mambreno d'Aigle, Mani Soleil-Manlou, Marilyn Castonguay. Produit par Attraction et les productions La Fête, avec comme productrice exécutive Estelle Champoux, comme producteur Antonello Cozzolino, comme producteur Dominique James, comme productrice Brigitte Léveillé et comme producteur exécutif Richard Speer. On continue donc avec un remake de Bac et Bottine. L'original a peut-être un peu vieilli, je ne suis pas sûr de comment les jeunes aujourd'hui y réagiraient, mais ça reste un classique. Pourquoi le refaire? Heureusement, l'équipe derrière Mademoiselle Bottine a fait son propre film et non une imitation. Je crois que ça vient du cœur. Les personnages ne sont plus les mêmes et la situation est un peu différente, même si de manière générale, la relation entre la fillette et son oncle reste plutôt similaire. Et s'il y a certaines références, notamment certaines répliques cultes. L'oncle n'est plus simplement un passionné de musique classique avec ses propres habitudes, mais quelqu'un qui a peur de tout et a traversé certaines difficultés dans sa vie. L'acteur qui joue le rôle est excellent. La fille ne vient pas juste de perdre ses parents, elle a vécu entre-temps avec sa grand-mère, qui visiblement n'a plus toute sa tête. C'est à la fille de s'occuper de sa grand-mère et des animaux. Elle n'a pas une vie normale, ne va pas à l'école. Mais la grand-mère meurt, et ce sera donc à l'oncle de s'en occuper le temps qu'on lui trouve quelque part. Les animaux, dans ce film, n'envahissent pas immédiatement le logement de l'oncle, ils sont cachés ailleurs sans que l'oncle ne le sache. L'oncle est un compositeur d'opéra, un milieu assez particulier. Le film a sa propre ambiance avec sa propre émotion très réussie. Je donnerais à ce film une note de 3 sur 5. C'est un excellent divertissement. Au moment où j'enregistre ceci, s'en vient normalement en 2025, à l'automne, Ma belle-mère est une sorcière. En espérant par contre que la suite des contes pour tous fera dans l'originalité, comme par exemple avec cette sorcière. On a eu des reprises réussies, mais il est temps de passer à autre chose, de montrer ce que l'on a réellement dans le ventre. Donc, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Ho, ho, ho! Au revoir et à bientôt.